bâtiment. Qui le ronge de l'intérieur, ce bâtiment où le vieux Gaëtan, ce vieux bonhomme maigre comme un clou, t'a poussé jusqu'à un fauteuil roulant et maintenant te fait circuler au-dedans. Une semi-clarté filtrée par les ouvertures. Le bâtiment est curieusement vide. Pour la ruche, c'est singulier. Il y a quelques vieux meubles, quelques endroits où le mur n'est pas totalement décati et où subsistent encore quelques plâtras que l'humidité n'a pas cessé de ronger. Dans cette chaleur moite, tu plonges comme dans une étuve. Il fait toujours plus chaud dehors et pourtant plus chaud dedans. Y espérer trouver une fraîcheur, mais sitôt le premier couloir dépassé, d'autres fenêtres ouvertes donnent sur le dehors, sur la rue, où la ruche bruisse de toute sa vie. Les sons que produisent les prolétaires dans leurs actes du quotidien se repercutent jusqu'au dedans. Et vous parvenez dans une pièce très haute de plafond, anormalement vaste de proportions pour ce qui concerne l'ordinaire d'un prolétaire qui, sitôt sa tâche accomplie, rejoint sa cellule, sa capsule destinée à son temps hors cycle. Une grande pièce avec quelques tables, quelques chaises, trop petites pour que le vieux bonhomme s'asseye dessus. Elles ont été conçues pour de jeunes prolétaires qui viendraient apprendre l'art de la tuyauterie, ou probablement là où on s'exerce à monter et redémonter son matériel. C'est la salle où le commando prépare son expédition et il faut la préparer. Le vieux bonhomme te laisse sur ton siège. Vous êtes seul dans la pièce. Vassili, toi, Saman. Vous entendez au dehors quelques pépiments d'oiseaux, le bourdonnement de quelques guêpes ou abeilles qui s'est égaré à l'intérieur, dans la pénombre, dans la zone où la lumière qui pénètre par les fenêtres grandes ouvertes sur la rue ne parvient pas à dissiper la ténèbre qui règne au fond de la pièce. Il y a là de grande machine. Un déploiement de câblerie, de platine, de cuivre, de squelette de vieil acier qui a perdu tout son lustre, tout son chrome, ainsi condamné à l'humidité. Dans la pénombre, non loin de la pièce, alors que l'un des techniciens s'éloigne de la machine qui trône dans un angle de la pièce, vous laissant à nouveau seul avec vos pensées encombrées par les déambulations bruyantes du dehors. Percevez une présence, mais qui aurait pu rester insignifiante encore longtemps. Un autre prolétaire comme vous, un homme entre deux âges, plutôt sur la pente déclinante de sa vie. Son visage est couvert de sueur et c'est d'abord la sueur luisant sur son front qui a capté la lumière et attiré votre regard. Comme vous, il souffre de la moiteur excessive qui règne à l'intérieur des locaux, sans doute en raison de la présence de cette grosse machine. Pas une machine molle, c'est un relais à info. Elle peut paraître antique, désuète, mais c'est un appareil fiable qu'on ne saurait plus assembler, connecter comme il se doit désormais. Il résisterait à la compétence limitée des tuyauteurs. D'ailleurs, le tuyauteur qui était venu l'actionner est reparti en maugréant. Et c'est ce qui a fait tressaillir l'homme qui suit dans l'ombre. Que le fond de la pièce, des yeux bien noirs, mais vous lisez pour l'essentiel de la peur, de la crainte. Ah, t'es là, Masao, hein? Jamais là où on met en droit de s'attendre où tu devrais être. Hmm. J'hésite encore à te confier Cycle. C'est ta dernière chance. Après, pour toi, c'est la farde. Si tu ne fais pas l'affaire. Bon. Soumit s'avance dans la pièce. Et dépose un plat. Vous laisse votre pâté du jour. Faut que vous soyez prêt à presque nuit. L'itinéraire a été programmé dans votre gardien. Qui joue le relais sur ce run? Je ne sais pas. Ah, il faudra bien établir une liaison avec la ruche. Qui assurera la liaison avec la ruche? Qui sera notre radio? Je ne sais rien. Parce que personne ne se décide. Je m'y colle. Mais... Il vous faudra préparer vos scaphandres, et là c'est la voix plus posée. Soumit est reparti. C'est la voix plus posée de Gaëtan. Assurez-vous d'avoir votre change. On voyagera naturellement de nuit pour sortir de la zone grise et nous franchirons le lac bleu, je pense à l'aube. Vous devez dans votre pactage avoir de quoi vous vêtir à la frontière. Purification. Si vous le souhaitez. Je le garderai sous ma combinaison, puis ensuite je porterai le sel de tous durant le voyage. Chacun remplisse sa tâche. Je sais que vous sortez du temps du rêve, mais il va falloir vous remettre avec nous parce que là, le cycle va commencer. Massao. S'approche de vous et il serait peut-être bon de prendre un bain avant de partir parce que vous avez les odeurs de cuve sur vous. Et ces odeurs-là au dehors, ça contraste fort. Allez prendre un bain en public et ne tardez pas à revenir. On se chargera de préparer des autres préparatifs. Je m'occuperai de Blue. Je m'assurerai que rien ne manque pour Blue. Vous allez au bain public ? Oui. Ressortant, vous laissez Masao au fond de la pièce en train de réviser Blue, l'artifice chargé de la sécurité du commando. L'une de ces armures de combat qui fait la fierté de l'armée révolutionnaire. Vous arrivez tous les deux un peu hagards, surpris d'avoir retrouvé de vous-même le chemin qui mène au bain public. Une source chaude qui surgit sur une de ces arrière-cours et où des serviteurs s'affairent pour préparer les linges nécessaires aux personnes qui s'y rendent. Même si tout a son importance et que la vie est sans prix et qu'elle dicte l'organisation de la ruche, l'accès à ces bains, dès lors qu'il se fait sur le temps hors cycle, n'est pas à prendre sur votre crédit. C'est l'une des rares choses qui soit ainsi dispensée librement. C'est pourtant un temps pour soi, un temps où les serviteurs qui d'ordinaire s'attachent aux commissaires et aux gardiens de la Révolution ont des égards pour les braves prolétaires qui ont bien mérité leur bain. Oh, il faut plusieurs cycles tout de même pour que le chef d'équipe autorise ou remarque la pertinence de ce bain. Vous installez, vous êtes dans la partie qui permet de prendre le bain de vapeur. Les pierres ont été portées au rouge, la braise dégage toute la fumée qui permettra de doter toutes les sanies accumulées dans la cuve pendant les jours où vous y avez rendu votre miel là pour nourrir les rêves de la ruche. Et sur le banc de bois inoccupé, juste à côté de toi, Vassili, tu aperçois de vieilles coupures de presse dans un petit maroquin de cuir qui dépasse d'un maroquin de cuir. Au prime abord, les caractères te semblent flous, ton regard a du mal à se focaliser. Ce ne sont pas les caractères de Cyrilloque, c'est de l'Hindi, une vieille langue dont tu as eu quelques souvenirs qui ont surnagé dans les temps de rêve. On y parle d'une grande catastrophe qui serait survenue à la périphérie de la zone d'exploitation. Une grande catastrophe qui a relâché un nuage acide qui a rongé les chairs et les esprits. C'est au camp Bhopal où c'est survenu. Cheminement spirituel, mon jeune ami, te dit un vieux bonhomme au corps un peu gras, aux bajoues flasques, aux oreilles qui semblent lui dégouliner sur le côté du visage, du moins de longs lobes comme les statues qui ornent les temples. D'accord. Il a de grosses lèvres, un visage épanoui, illuminé par de petits yeux rieurs. Le temps de l'illumination est venu pour vous, qui êtes-vous, jeune prolétaire? Qui êtes-vous? Dire. Autrefois, j'étais guérisseur, mais j'ai perdu le fluide. Le fluide? Oui. Le contact avec la souillure, il y en a tellement, je n'arrive plus à la distinguer désormais. Alors je viens ici. Et ici, c'est curieux, hein, mais au milieu des gens qui se libèrent de leur crasse, bien peuple, mon fluide revient. Peut-être qu'un jour je pourrai redevenir utile. Il me fait penser à une statue que j'ai vue dans un verre. Le récipient qui sert à verser l'eau froide sur les pierres pour répandre la fumée lui a échappé des mains. Le contenu s'est répandu sur sa robe. Il est torse nu et s'est dépouillé de sa robe. Il porte la robe safranée des prêtres. Et là où l'eau s'est répandue, les plis de la robe prennent des nuances sombres, presque noires. Il reprend le récipient, le plonge dans le baquet, l'agite un peu. Dans un grésillement, laisse la fumée envahir votre cellule. Tu vois son sourire puisque nous sommes vus en rêve. Serrons-nous la main, jeune prolétaire. J'ai peur que ma main coule. Oh, elle ne coulera pas. Je retiendrai les saignées de votre corps. Ils ne seront pas perdus. Ils ne seront pas perdus pour tout le monde. Tout est lié. Le fait que tu étais, tu te souvenais de statues vues en rêve dans un jardin, comme ça. Et quel sentiment cela t'inspirait-il là? Sa main grâce lorsqu'elle s'est refermée sur ton bras pour former la pince du tout ailier, tu as senti une force qui emprisonnait ta main, une force qui semblait l'attirer. Quel était ton état d'esprit? Étais-tu apaisé ou au contraire était-ce un rêve qui menaçait de sombrer dans un cauchemar? Était-ce la peur qui surgissait en toi? Non, c'est pas dans la peur, c'est juste que j'ai zéro en peur, ça peut être ça. Bah si, ça peut être ça. Ah non, c'est pas la peur. Alors, quelle était l'émotion qui est traînée? Tu étais joyeux de voir cette statuette? Qu'est-ce qui te rendait joyeux dans cette statue? Dans mon rêve, c'était une jolie statue qui était dans un jardin vraiment très beau. J'ai revu les filles et je me suis rendu compte qu'elle était en rose. L'obscur de ce bain de sudation partagé avec le moine rieur, ce Bouddha qui fait chair. Voilà, c'est ça, Bouddha, avec les gros yeux comme ça. Tu te souviens de cette belle lumière intense de jour qui t'a guidé au dehors du temple. Tu ne sens pas quelque chose qui t'attendrait au-delà, dans la lumière, autre chose que ton ami? Tu es convaincu que tu vas la trouver, retrouver au détour dans la cour, connaissant à l'abri de là. Toutes tes techniques pour me faire tomber dans un tes pièges avec les monstres. Mais tu sais que il y a une statue dans la cour, que cette statue, c'est une statue auprès de laquelle les gens se recueillent pour recueillir toute son énergie. Es-tu prêt à t'abîmer en prière devant cette incarnation de ces croyances anciennes qui ont permis à la cité de s'édifier? La statue est en prière et il y a une myriade de chérubins tout autour qui l'entourent et la protègent. Est-ce que tu plonges un peu plus dans ce rêve? Est-ce que tu vas dans ce palais mental pour rejoindre ce souvenir ébauché de ton ami? Peut-être que ce souvenir te donnera la force dont tu as besoin pour... Quel ami? Ton ami, tu disais... Quel nom disais-tu déjà? Ce n'est pas mon ami, c'est ma sœur, Leslie. Es-tu sûre que ce soit ta sœur? Oui, enfin, elle a été créée comme moi. Enfin, un homme qui a essayé de me dévisager avec une hache. Depuis, j'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé, mais j'ai toujours ce souvenir qui me hante. Et alors que... tu contemples cette statue de Bouddha, elle vient à s'animer, d'énormes seins lui poussent, sa poitrine n'est plus celle d'un homme bienheureux, mais d'une femme aigrie. Et elle a le regard triste, chargé de larmes, noyé de larmes. Et de la pierre faite chair de la statue, à la commissure des lèvres, coule un liquide noir et épais. Ok, c'est bien mal. Elle est en pleine crise, donc je vais la laisser tranquille. Et d'ailleurs, je me demande qui m'a sauvé de ces coups de hache. J'étais quand même en PLS. À deux doigts de mourir. Comment j'ai pu survivre? C'est peut-être Laura qui m'a sauvé. Et j'ai voulu oublier, donc je me souviens plus clairement. Valeur que peut avoir un petit chez-soi à Paris. Un petit chez-soi d'étudiant, modeste. Reprendre pied dans la réalité parisienne. Un rendez-vous pour vous deux. Parce que les choses ne sont pas améliorées. Vous avez les oreilles qui sont atteintes comme par une otite externe. Le lobe a durci. Et cela vous lance. Votre joue, vos joues ont légèrement enflé. Vous avez pu le mesurer au matin, à votre retour, ce matin de retour de voyage. C'est l'automne. Et on a l'impression qu'on est en plein mois d'août. Une chaleur moite qui emprisonne la ville. Le métro a encore fait des siennes, bondé alors qu'il ne devrait pas l'être. La pandémie est toujours présente. On est retourné dans le monde normal. Et oui, Paris, sinon ce serait paradis. Heureusement, tu as pu obtenir un rendez-vous dans un centre de santé qui accueille la junte étudiante de Paris. Il faut dire que la carte de Paris 1 Panthéon Sorbonne, ça en jette. Et faire partie du bureau, c'est bien aussi. Des petites entrées à droite à gauche et des passes droits, des coups de fil, ce genre de petits... Mais en fait, sitôt le mat raccroché, l'adresse dit pas grand chose, c'est du côté d'Italie. Place d'Italie, vous y êtes rendu en... des grands jours, les odeurs désagréables, la promiscuité, un gros poussin qui s'est installé face à vous et qui vous a empêché de vous installer, même de vous asseoir tellement il était massif et occupait non seulement les deux sièges de son côté, mais de ses genoux vous interdisait de vous asseoir véritablement. Vous êtes resté tout le trajet debout à côté de vos sièges, bêtement devant vous. Le bonhomme respirant sa sueur, il parlait dans une langue asiatique sans que vous compreniez vraiment ce qui semblait être sa nièce ou sa fille, une jeune fille d'une vingtaine d'années. À la voix suraiguë, à qui il parlait sur un fatigué et asthmatique. Enfin bref, vous avez quitté la rame, quitté la station, émergé au dehors pour découvrir un temps menaçant, un orage qui couve. Il n'est pas 10 heures et l'impression d'être au soir, au moment de rejoindre le rue pour le repas du soir. Le rue, c'est le restaurant universitaire. Et vous émergez donc place d'Italie. Non, c'est le Royaume-Uni, le rue. Pardon ? C'est le Royaume-Uni, le rue. Arrête de dire des bêtises. Et vous cherchez de fait la rue ? Vous avez perdu l'habitude de trouver les rues par vous-même. Le mat est toujours là, mais... Est-ce la chaleur, la moiteur, votre infection dans l'oreille qui vous joue des tours? Toujours est-il que ça fait un moment que vous tournez, virez autour des grands immeubles de la place d'Italie, ces grands immeubles sans âme. Vous attendiez à trouver dans l'un de ceux-ci un rez-de-chaussée aménagé en centre de sécurité sociale estudiantine, quelque chose de flambant neuf et déjà complètement désuet. Mais non, c'est un petit immeuble cossu qui date probablement du 18e siècle, juste à la périphérie du quartier chinois. Les premières rues qui débordent le boulevard et la place. Vous avez tourné, viré pour trouver cette petite portion de Paris préservée, du Paris du temps jadis. Il y a une cour pavée, une lumière qui monte sur le mur intérieur du jardin, une pelouse pas totalement jaunie, certains brins sont encore verts, une petite fontaine qui gargouille avec le quartier oblige, un petit temple Shinto au milieu. Vous avez aperçu des plaques et en fait c'est un laboratoire médical, un centre médical d'accueil piloté par un laboratoire médical qui vous accueille. Et au-dedans d'un immeuble ancien et confortable, sous cet aspect à l'intérieur, c'est ultra moderne. Il y a une porte à sas électronique, il faut présenter son mat pour entrer. Aussitôt, un automate vient vers vous, un automate dernier prix, et vous invite à rejoindre l'ascenseur intérieur qui vous mènera dans les locaux. La Maseokido Biologica. De fait, on reste au cœur de l'Asie parisienne. Il y a plus d'indications en idéogramme partout que votre alphabet coutumier. Dans l'ascenseur, tout est indiqué en idéogramme. L'ascenseur est automatique, naturellement. Avec une légère poussée, il vous mène jusqu'au niveau attendu. Vous débouchez dans un grand hall où un nouveau robot vous accueille, prend compte de vos maths et vous invite dans un japonais très respectueux, ponctué de nombreux san, à vous asseoir en attendant que le médecin puisse vous recevoir. Je ne fais pas du tout. Je comprends pas le japonais à proprement parler, mais on a suffisamment lu dans les mangas ou vu dans les mangas. Ça, c'est un titre de noblesse. De respect. On dit le prénom, je te dis ça, tu vois. Le nom. C'est lu de manga, ça. Et donc vous attendez. Vous attendez et vous sentez l'un et l'autre la fraîcheur de la climatisation vous bercer. Vous vous rendez compte que les huisseries, la grande baie vitrée qui vous fait face dans cette salle d'attente n'a rien concédé au bâtiment. On a réaménagé les grandes fenêtres pour y insérer cette baie. On a dû modifier l'architecture de l'immeuble. On a sacrifié un peu du patrimoine parisien pour implanter cette grande baie à double vitrage avec l'air conditionné qui circule, aucune buée aux fenêtres. Et vous voyez les nuages osciller devant vous dans le ciel lentement. Une table basse particulièrement inutile où sont dispersés des journaux qui datent d'au moins un an. La presse n'est plus ce qu'elle était de toute façon. La plupart des gens se fient uniquement à leur date. Il faut bien être à Paris pour que les journaux papier aient encore un intérêt pour les collectionneurs et les matuvus, ou la frange étudiante de Panthéon-Sorbonne. Sur le mur face à vous, juste à côté de l'Aïko, où est allé se ranger le néo. Il y a un vieux cliché en noir et blanc. Une femme et son enfant sur fond de ruine. Dans des habits traditionnels. Ça doit être de la famille qui travaille ici. Et au-dessous, en filigrane, il y est indiqué une petite mention. Filigrane qui figure de jolis idéogrammes, mais il y a une traduction pour parisien. C'est quoi? Giro Kondo. D'accord, donc c'est une signature en fait. Giro, c'est un prénom. Et le centre médical s'appelle le centre médical biomédical Kondo. Bah, ça doit être la famille du créateur du coup. Et ça doit être une peinture, une photo. Pourquoi ça te fait penser cette photo Camille? Pas grand chose en vérité. Je ne vois pas ce que cela. Ce que cela pourrait être. Le néo s'approcher et cliqueter jusqu'à vous. Le docteur va vous recevoir. Troisième porte à droite au bout du couloir. Demande au robot si ça soigne matière noire. La matière noire est une substance sur laquelle les scientifiques se perdent en conjecture encore à l'heure actuelle, même si le retour prochain des taïkonautes de Mars devrait nous apporter des précisions. La réponse vous convient-elle ? Simon-san ? Ouais. Pas du tout, Simon-san. Pas du tout ? Le Néo se fige. Recherche en cours, veuillez patienter. Tu attends qu'il le recherche ? Manque de données. Désolé, Simon-san. Peut-être que le docteur vous apportera plus de précisions que je ne puis vous en fournir. Je ne suis qu'une interface sociale. Désolé, Simon-san. Je vous laisse. On m'appelle. Et il s'éloigne vers l'entrée. En roulant sur le sol stratifié. Même si l'immeuble est un immeuble parisien de type haussmannien, très haut de plafond, on a choisi de le décorer de façon extrêmement moderne ou de modifier son architecture interne et vous vous engagez dans un couloir certes haut de plafond mais aux murs blancs aseptisés avec de petites loupiottes qui éclairent le plafond et dispensent une lumière quasi uniforme et vous arrivez devant la porte entrouverte du cabinet du docteur Hiro Komdo. Je toque. Entrez. Vous en prie, j'ai un rendez-vous avec les demandes d'une même famille compte tenu de mon emploi du temps. Cela vous dérange si je vous prends en même temps ? J'ai cru comprendre que vous aviez les mêmes difficultés. Il est assez grand, maigre, un japonais de 55-60 ans, apprêté dans un costume taillé sur mesure, et vous invite à vous asseoir. J'ai une question. S'il y a des anomalies, est-ce que vous les enfermez dans une cage et vous les prenez comme des cobayes ? Des anomalies ? Des personnes étranges. Te regarde avec attention. Ma foi, je collectionne des choses, vous voyez. D'accord. En guise de table basse, il y a une sculpture d'un poulpe plus vrai que nature qui trône là où on aurait pu mettre une table basse pour discuter après le diagnostic ou rédiger la feuille d'ordonnance, mais il n'y a que une interface numérique vers la toile, une table d'examen spartiate et ultra moderne. Et cet objet qui trône, des murs noirs, revêtus de tentures noires. Et une des rideaux qui rendent la pièce totalement noire et seules de petites lumières dispensées dans le plafond, ménagé dans le plafond, éclaire la pièce de façon à ce que le sol stratifié noir luise sous vos pieds. Je ne vois pas de quoi tu parles, jeune monsieur. Alors, quels sont les symptômes dont vous souffrez? J'ai eu votre description du mat, mais j'aurais besoin d'un peu de précision humaine, peut-être. Je ne vois pas quoi préciser. Donc, acouphènes, vous avez eu des bruits dans l'oreille, c'est ça? Vos oreilles qui se bouchent? Et, ah oui, c'est bien enflé, sans ménagement. Et là, tu sens la raideur de ta joue sous ses doigts froids et secs, malgré l'atmosphère extérieure. Toi, tu es plein de sueur. Lui, il est dans son environnement aseptisé, son petit laboratoire personnel. Monsieur, vous soignez l'oubli? Pardon? Vous soignez l'oubli? Non, je ne soigne pas l'oubli, jeune homme. Je suis médecin. Je ne suis pas psychiatre ou... Non, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Vous connaissez en matière noire ou pas? Matière noire. Mais tu vas me laisser vous examiner et ensuite on parlera peut-être de matière noire. Tous les deux. Ça m'intéresse. Hein, c'est surprenant. Je n'ai pas de jeunes gens comme ça qui s'intéressent si fréquemment que ça à la matière noire. Je m'intéresse à moi-même. Vous vous intéressez à vous-même? Oui, à la matière noire. Vous vous intéressez à vous-même. Et je ne sais pas si c'est acceptable. Il s'assied dans le siège qui est ménagé à l'aplomb de sa console et te regarde songeur, passe ses doigts comme ça. Vous entendez tout à coup une vibration qui perce la membrane devenue presque dure du bouchon qui obstrue vos oreilles. Mais ce n'est pas votre oreille qui vous transmet ce bourdonnement. Vous avez entendu quelque chose, des vues retentir, quelque chose de strident. Le médecin a tressailli, vous l'avez vu à la périphérie de votre regard, mais ce que vous avez vu surtout, c'est le rideau plongé vers l'intérieur de la pièce, remonté jusqu'au plafond, soufflé par le souffle d'une explosion. Autour de vous le sol, le plancher trembler, résonner, bourdonner. De fait, c'est plus que la sirène d'incendie qui brise les tympans, mais en même temps vous avez ce phénomène hyperacousique qui vient surajouter, et vous sentez les vibrations entrer dans vos chairs, dans vos masses adipeuses, résonner dans vos graisses, ébranler celle-ci. Il faut sortir tout de suite là. Il a l'air paniqué. Ok. Il hésite. Prends la porte que vous avez même franchie, néglige une autre porte et se rue dans le couloir. Allez, venez. Bah, moi je le suis. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça a l'air... Il a plein de petits morceaux de verre qui constatent sa chevelure courte, grisonnante. Vous avez des verres dans... Vous avez du verre dans les cheveux? Il y a du sang qui... Ah, ok. Du coup, sur le visage. Il est sur le point de mourir? Non, il a simplement des... Tu vois des petits morceaux de verre qui sont venus sucher dans son crâne. Il était juste à côté de la fenêtre au moment où elle a volé en éclats et emporté les rideaux. Et il a des morceaux de verre fichés partout dans le visage qui viennent rompre ses traits classiques. Monsieur, tout en courant, est-ce qu'on peut parler? Il est déjà à l'ascenseur qu'il contourne et il appuie sur un bouton. S'énerve et fait du tour, c'est bloqué et retourne, vous croise, vous percute à moitié, retourne dans le cabinet. Je suis également. Vous le suivez, et là il prend la porte qu'il avait négligée, rentre. C'est mon laboratoire, allez, on rentre dans le laboratoire. Ok. Ça ne marche plus, l'ascenseur et la cage d'escalier, la porte ne fonctionne plus. Quelle idée de mettre de l'informatique partout, même pas en escalier de secours. Là, il referme la porte, et au moment où il referme la porte de son cabinet, vous sentez très sauter, vous-même vous très sauter, il y a une... seconde explosion qui frappe le bâtiment, la fumée qui passe au travers des interstices autour de la porte. C'est une porte à l'ancienne, en bois, il a écarté le rideau qui cachait l'huisserie. C'est une porte tout à fait classique, qui n'est pas tout à fait jointive. Et vous voyez une lueur vive, il y a un incendie qui s'est déclaré de l'autre côté. Et partout autour, vous entendez les sirènes hurler, la sirène d'incendie à l'intérieur du bâtiment, des cris au dehors. Vous ne vous situez pas trop, mais vous pensez être allé au troisième ou quatrième étage. Ah, ok, on descend. Mais là où vous êtes, la pièce dans laquelle vous êtes, les rideaux sont tirés. Il y a du verre répandu au sol, mais de grands rideaux épais qui cachent totalement. C'est dans le. Monsieur, on est en sécurité. Vous êtes dans le noir le plus total. Il se rue à l'autre bout de la pièce, il ouvre une porte. Et là, il y a de la lumière qui rentre, pas la lumière naturelle, la lumière artificielle vient d'allumer. La lumière vacille. Par ici, il y a un escalier. Je me suis. Tu le suis aussi. Oui. C'est un escalier à l'ancienne en colimaçon, assez large, qui est éclairé par de petites appliques. Et vous descendez à sa suite, les escaliers, il n'a pas l'air d'hésiter, il laisse passer un premier, un deuxième palier. Il reprend son souffle, vous voyez que maintenant il a la joue toute rougie de sang. Il a repris son souffle et reprend la descente. Vous l'avez rejoint. L'escalier est large avec de la moquette, des petites tringles métalliques. Vous avez le temps de voir tout ça, mais vous avez vu aussi qu'il y a plein de poussière de gravats. L'immeuble a été ébranlé dans ses fondations. Il y a des plâtras qui sont tombés. Vous voyez certaines appliques qui pendouillent au bout de leur fil, ébranlées par l'explosion. Et il s'arrête au palier suivant. C'est plus de mon âge tout ça. Continuez là. En bas, il y a... Vous arriverez... Vous arriverez dans mon labo. Il est en sécurité ? Oui. Ok. Il y a un code. Lequel ? 1945. Je descends jusqu'au labo. Là, il y a une platine avec... Je tape 1945. Et quand tu tapes 1945, tu entends une porte qui s'ouvre à la volée et tu entends... une rafale de détonation. Porte-piège. Ça vient d'en haut. Tu as ouvert... Je rentre et... La porte s'ouvre dans un chuintement. C'est une porte blindée à ouverture latérale. Et tu as vu sur le devant des idéogrammes. Biomédical. C'est le laboratoire qui était annoncé dans le hall. Je rentre et j'appelle Camille. Camille, viens. J'arrive. Lorsque tu arrives, tu entends à nouveau des détonations. Et quel est ton état d'esprit ? Je ne saurais dire. Tu choisis l'émotion qui te semble la plus proche de l'état d'esprit de ton personnage. Éprouve à cet instant Camille de voir ainsi retentir des coups de feu en plein Paris, des explosions. Ok, je pense que je suis effrayé. Ok. Vas-y. Tu tentes de rejoindre ton frère au plus vite. 2-1. Ça veut dire le total 3. Puisque t'as 1 plus 1. Ça veut dire que c'est un échec. Il va se passer que je vais mourir sous les bombes. Vas-y. Bah, je ferme la porte si je fais que tressaillir quand même. Parce que j'ai pas envie de me faire. Au moment où tu vois ton petit frère, cette espèce de salut trop vite grimper en herbe, avec la petite barbichette qui irait bien, qui... Tu te demandes où est Scooby-Doo à chaque fois que tu te vois surgir dans le couloir. Tu vois passer la tête. Allez, couille ! Et à ce moment-là, tu entends l'acouphène remonter. Il vient boucher ton oreille. Et tu sens à nouveau... les vibrations, mais c'est pas l'immeuble qui vibre, c'est toi qui viens de te prendre une bastos et tombe à la renverse sur ton frère à l'intérieur. Ferme la porte. Ce que tu as vu, c'est un homme avec un brassard police. Oh, un policier. Un ouzi en main. Ah d'accord, c'est le camp. Qui a lâché une balle dans ta direction, une rafale, qui sont venus tout en dévalant l'escalier. Il y en avait d'autres comme lui, mais t'as reconnu sa tronche. C'était le chef du PC de sécurité de... Ah d'accord. Moi, j'ai fermé la porte et je me suis vite mis en position latérale de sécurité pour éviter d'être blessé. La porte s'est refermée. Vous entendez tambouriner contre la porte. Tu sens la douleur. Il y a une dame qui s'approche. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Elle ouvre des grands yeux en te voyant. T'as déjà du sang qui se répand comme ça sur ta chemise qui l'attache. Il est tout blême. Je vais chercher le docteur. Il est là-haut. Non, non, sortez pas, il y a des gens avec des fusils. Il est là-haut, il a dû faire dans la tête. Il y a eu des explosions, j'ai peur. Mon Dieu. On reste ici. Massimi. Vite. Puis après, elle s'éloigne sur ses talons. Vous l'entendez cliqueter des talons. Elle s'éloigne dans le labo. Lorsque vous revenez chez vous, j'ai survécu. Là où vous avez vos quartiers, votre capsule. Ah d'accord, on est dans notre ville. C'est déjà le crépuscule. Vous avez traîné dans la ville. Mais tu as vu un gars affilé qui ne revient pas. C'est un membre de la triade. Il a des tatouages qui dépassent de sa manche. Tu l'as déjà vu dans une gargote. C'est un yakuza. C'est pas un révolutionnaire, celui-là. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il t'a troublé un peu? C'est que si tu l'as croisé, tu connais son existence, c'est parce qu'il a sa petite réputation dans la ruche. Il est là pour éliminer les fardeaux qui acceptent pas leur sort, ou protéger commissaire, mais on dit surtout que c'est... exécuteur de basses œuvres, le voir vous suivre du regard, ça glace un peu le sang. Ceux qui sont malades et qui menacent l'intégrité de la Russe ne font pas grand cadeau, surtout s'il s'agit des petits prolétaires. Quand tu regardes celui qui t'accompagne ajuster ses vêtements, et que tu vois à la commissure de ses lèvres un liquide noir s'écouler, tu lui essuies précipitamment et tu ne peux t'empêcher de regarder pour voir si le Yakuza l'a remarqué aussi ou si c'est ça qu'il cherche. Car ceux qui sont contaminés, on les élimine. C'est son rôle. Je suis comme ça, c'est tout. Et c'est avec soulagement que vous regagnez. Bleue, votre cellule, Masao a apprêté Blue. Lorsque vous arrivez juste à temps. On doit partir incessamment. Il est prêt. Pour un cycle, il t'aura peut-être oublié au retour. Hein? Mmh. Hein? Attends, attends. Je vais faire un bizarre. Allez, dépêchez-vous. Il est temps de s'équiper, là. Il faut rejoindre le groupe. Je rêvais qu'il y avait des gens qui nous tiraient dessus. On était dans un grand bâtiment. Il y avait des bombes. On s'est... T'es resté trop longtemps dans la capsule, mon petit Samon. Allez, Yosh, viens. Bon. On vous remet une combinaison noire et un casque. Et Masao vous suit avec un petit chariot à roulettes, avec une pompe dessus. C'est pourquoi ? Lorsque vous passerez par le lac bleu, il faudra bien que quelqu'un assure vos... assure derrière, c'est moi qui pomperai. Vous avez revêtu vos combinaisons, vous avez chaussé vos souliers lestés, vos scaphandres, chacun a ajusté les sangles des autres, le petit Kolia a son paquetage protégé, sa petite outre métallique. Blo ferme la marche. Sa démarche. S'accumule au-dessus des grands arbres qui bordent l'institut. Un chemin, une sente s'enfonce au milieu des cailloux et des ronces à l'intérieur du bois. Que seuls d'ici les lampes frontales dont sont munis vos casques. Vous avez chaussé vos casques, vous avez ajusté avec le lest mais ouvert le vitrage pour respirer librement. Toutefois, vous avancez péniblement dans la chaleur étouffante de la forêt. Même si le soleil s'est caché, l'orage menace. Un orage fort, comme tous ceux qui éclatent en cette saison de pluie. Un orage qui va cisailler le ciel et protéger la ruche des menaces extérieures. Marcher un moment avant de rejoindre le chemin de ronde. L'orage n'est pas pour tout de suite le véritable orage. L'orage des Grégores qui tombera cette nuit. C'est lui qui a dicté le départ du cycle. Dans ces conditions-là, l'expédition se place sous les meilleurs auspices. Autour de vous, il y a l'alignement de Mirador, des gardiens de la Révolution, qui protègent la ruche des incursions extérieures et qui s'assurent qu'aucun contre-révolutionnaire ne viendrait rompre l'intégrité territoriale de la ruche. Régulièrement, il y a de petits relais lumineux qui signalent les positions du guet. Marcher un long moment sur la sente. L'eau est là pour relayer votre présence auprès des gardiens de la Révolution pour qu'ils ne vous prennent pas pour des intrus. De fait, vous avez peine, même avec vos loupiottes, à distinguer le sol sous vos pieds. La nuit est noire et profonde. Une fois rendu dans la maison, Masao pompera pour assurer votre respiration sous les eaux. entrait dans ce lac bleu, les eaux d'un bleu irréel. Vous allez rentrer par le sas et vous ressortirez de l'autre côté de la vallée, là où se situe la souillure. Comme portefeuille et pour vous protéger, Blue. Mais ça veut dire qu'ils vont pas griller dans l'eau. Ils vous protègent jusqu'à la berge et protègent le pompage, s'assurent que personne vous gênera. Mais il vous abandonnera effectivement. Vous serez sans lui au dehors. Au moins, je serai dans le milieu dans la vallée. Je me fais de souillure. La matière noire. Si je suis à côté de la souillure, c'est pas comme si j'allais être agressé. Dans l'obscurité du bastion. Guette, surveille les environs. Tandis que Massao installe la pompe, emplit le réservoir d'air, vous achevez vos préparatifs. Puis vous vous introduisez dans la forêt submergée, la forêt sous les eaux. Il y a le fanal de la ruche, de loin visible. Et il vous faut suivre une vieille route, une vieille sente qui s'enfonce dans les profondeurs du lac bleu. Le bleu autour est intense et tout autour de vous il y a des arbres. Des arbres qui n'en finissent pas de mourir et où sont pendus des loques, des restes de ceux qui vivaient autrefois dans la vallée, submergés. Vous marchez, marchez longuement. Pour enfin alors que l'odeur rance que qui se répand dans vos scaphandres commence à faire monter en vous une nausée. Bouillonne et vous vous émergez après avoir franchi et gravi le long sas où viennent ruisseler les seules fleurs qui surnagent à cet endroit, des fleurs grises que toutes couleurs ont quittées, comme les cendres qui parsèment le plateau sur lequel émerge le sas. Vous ôtez vos combinaisons. Qualia est là pour vous aider. Puis il les renferme dans un coffre pour le retour. Il vous aide à ajuster vos tenues, car au dehors, il ne faut pas paraître être membre de la ruche. Il vaut mieux être couleur locale. Vous avez quitté vos souliers ferrés, chaussés de lourds sabots de bois. Endosser les pourpoints pour vous, une grande chemise blanche pour Koya, des pantalons noirs bouffants qui tombent trop haut pour rejoindre et cacher ses odieux sabots. Commencez votre périple, votre exploration. Vous êtes des recycleurs. Du sas, il fait chaud. C'est beau. Et fort judicieusement, le sas aboutit dans un petit bosquet d'arbres étriqués sur un éperon rocheux. Au débouché de la forêt submergée. Qu'elle émerge les quelques arbres morts qui sont à jamais plantés pour guider les pas des recycleurs de la ruche. Les arbres innombrables qui survivent dehors, on ne sait trop comment. Et aux abords de la montagne, fort heureusement, prennent une autre teinte et semblent vivre des innombrables nénuphars rejetés depuis la rive, comme s'il y avait un îlot de vie. Ce petit îlot d'arbres, ce qui reste de la forêt, intacte, vivante, au débouché du sas, ceinturant celui-ci, et puis au-delà, une feigne grisâtre, un haut plateau montagneux, enchâssé dans un défilé. À l'horizon de hautes montagnes, pelées sur une grande part, mais vous devez traverser la grande feigne, une grande étendue grise, couverte de cendres. Parmi les vôtres, la forêt de l'éternel retour. Car il n'y a qu'un point d'entrée, rejoindre la ruche. Et alentour, c'est la seule forêt vivante. Tout autour, il y a cette étendue grise et stérile. Éternel s'était abattu tout autour de la ruche. Un hiver nucléaire. Sur le plateau, au milieu de l'étendue grise, émerge une grande masse de pierre et de béton. Un monument du temps jadis. C'est le premier jalon. Il faut l'atteindre avant que l'orage n'éclate. Y être sans orage d'égrégore, car sinon il tombe à coup sûr sur le Spomenik. La moiteur vous a quitté. Il n'y a plus la chaleur étouffante et somme toute rassurante de la ruche. Juste un soleil pâle qui éclaire difficilement la masse grise qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. La vie est précieuse, aussi les commissaires ont veillé à vous protéger. Qui règne en ces lieux. Sous vos oripeaux d'autochtones, vous portez une chemise de plomb. Le compteur s'affole bien dès que vous marchez sur cette plaine. Compteur GG. au son du compteur qui mesure l'intensité des impacts radioactifs autour de vous. Que vous progressez lentement et péniblement dans l'épaisse masse de cendres. Lorsque le regard se pose sur la plaine, on y discerne que le gris des cendres est par endroits quelques végétaux épars, de grandes herbes qui ondoient sous le vent léger et la poussière de cendres, des herbes qui semblent grises. Le pied au-dessous, sous les masses de poussière grise, il y a des objets, des choses enfouies sous la cendre. Il faut avoir le sabot sûr. Suivre la bonne trace, écouter attentivement les pics pour éviter les zones les plus dangereuses et ne pas voir sa chair fondre. Ainsi exposé à la radioactivité. C'est un travail de radiomancien. C'est celui de Gaëtan qui vous accompagne, ferme la marche. Le petit bonhomme à la moustache. Là, il prend pas la peine de la lisser. Il n'en a pas le temps. Il regarde sans cesse son compte. Vous dites non. Tom. Là, à droite. Et votre allure est celle d'escargot. D'escargot pressé, certes. Mais d'escargot tout de même. Et cette chaleur accablante. Par intermittence, les traits de lumière qui jaillissent depuis le ciel, qui fendent les nuages et frappent la terre sans qu'aucun tonnerre ne retentisse. L'orage des Grégores semble permanent tout autour de la ruche, comme s'il lui était attaché. Après que vous ayez dépassé le spomanique, le point d'ancrage suivant est un arbre, pareil à celui que vous avez vu en émergeant du sas. Un immense tronc qui jaillit vers le ciel isolé. De petites feuilles d'un vert intense. Et autour, la grisaille semble se dissiper. La feigne semble s'installer. La verdure reprend ses droits. Là peut s'arrêter. Qualia n'écoute même plus Gaëtan. Attention, c'est une zone encore susceptible de recéler des dangers, petit bonhomme. Tu nous as assez cornaqué, le vieux. Foi de tes histoires. Vassili ? Oui. Je m'avais dit qu'on serait amis. Je n'ai jamais dit ça. Je me souviens, on était dans un des couloirs de l'institut. Nous étions tous les trois. Il n'était pas là, le vieux. On fait comme s'il n'était pas là, hein ? Ça te dérange pas, le vieux ? Ma foi, tant que vous faites pas trop de boucans, vous attirez pas l'attention. Moi, je vais en profiter pour piquer un petit roupillon. Il y a juste son petit calot et sa dose à l'arme. Une toile que tu as contemplée, Vassili. Une toile qui ornait un mur noir, tendu de noir. D'un certain Francis. Avec un arbre isolé, perdu au milieu de la montagne. Et comme cet arbre isolé, la toile était perdue dans l'immensité d'un cabinet noir. Celui du docteur Girocondo. Peut-être est-ce l'un des souvenirs qui subsistent de ton temps du rêve, du temps où tu as vendu du rêve à la ruche, où la ruche t'a volé ton rêve. Tu peux le voir dans les deux sens. Connais-tu cette œuvre de Caspar Friedrich? Francis quelque chose. Le titre c'était Oupsas. Non, ça ne me dit rien. Qui est représenté sur cette toile, c'est l'arbre au pied duquel vous vous tenez. Dans le train, pour le TGV, tu mastiques des chewing-gums comme des malabars, ce genre de trucs, non ? Hein, gamin ? Non. J'aimerais bien voir ce que ça fait à ta joue quand tu... C'est le docteur Kondo qui te tend un malabar tout frais sorti de... Et le liquide noir commence à couler de ma joue. Quand on mastique ce genre de choses... Vas-y, mastique. Quand on mastique, quand on mâche, il y a des saveurs qui affluent sur tes papilles, qui viennent inonder ta bouche. Si tu fermes les yeux, acceptes-tu de fermer les yeux? Tu es dans tes cheveux, imagine-le. Ferme les yeux. Ferme les yeux, je te dis, gamin. Quand je ferme les yeux, je pense jamais au TGV. Je pense toujours à cette hache qui s'abat sur mon visage. Et si t'as des souvenirs comme ça, mâche cela et d'autres souvenirs affluent. D'où ça vient Il y a une vieille histoire qui dit que avant d'en faire des choses à mastiquer pour les gamins, on mastiquait des feuilles d'arbres comme ça pour faire affluer les bons souvenirs. Les balles, les bons sont passés où? Ils ont disparu? Rassurez-moi. Il n'y a pas de balle. Au pied de l'arbre. Il n'y a pas d'homme avocat aussi. Il y a Gaëtan. Qui fait frissonner sa moustache. Adossé à l'arbre. Et il y a Qualia qui... te tend une feuille. Mâche. Pas le chien. Et tu sais qu'il y a un chien qui arrive comme ça. Mâche. Et tu te souviendras, c'est amer. Certains disent que... Je veux pas me souvenir. Tu veux pas te souvenir? Moi, je veux que tu te souviennes. Parce que je voudrais être sûr qu'on soit amis. Je sais, ton ami. Mais je sais aussi que j'ai pris des coups de hache. Et que je m'appelle pas Yosh. Je m'appelle Simon. Et moi, je m'appelle Qualia. Et ma sœur, c'est Leslie. On peut être copains. Je te propose d'être mon copain. Et ma main commence à comme fouler. Eh bien, si tu m'aimes un peu, si on mêle nos sangs, sa main fait la même chose, elle coule dans la tienne. On échange un peu nous-mêmes. Et nous serons copains au-delà de ce qu'ils veulent de nous dans la ruche. Ils ont fait de nous pire que des bêtes. Es-tu d'accord? Oui. Mêles-tu ton miel à au mien? Oui. Alors nous sommes liés désormais. Et nous retrouverons ceux qui nous manquent. C'est la main qui m'a pris en fait.